allons penser à notre cher et beau pays. Nous allons soumettre toutes choses sous le contrôle de l'esprit de Dieu. Nzambe, ouais, Zali Kolo. Nkolo, missionnaire dans la mboka, à contrôler des tailles nyons. Alain de la nyons, pour qu'il s'appose en aïe. Alléluia. Soy amar a mujer. Thank you.